إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام، بإذن الله سنبدأ في حصص في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc, vous l'avez compris, bi'idnillah, nous allons commencer dans l'étude, dans des durus, pour parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqullahi ala l'ibad. Donc, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Et vous savez que l'unicité d'Allah azza wa jal, c'est la chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les rasouls, tous les messagers, tous les prophètes. Leur message était: Ya ayyuhan nas, ubudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Donc le message des messagers et des prophètes, c'était quoi? Au peuple, adorez Allah, vous n'avez pas un autre Dieu que lui. Vous n'avez pas un autre Dieu que lui. Ya qawm, ubudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Jusqu'à que les mouchriquins, ils ont dit: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Jusqu'à que les polythéistes, les mouchriquins, Al-Kuffar, ils ont dit quoi? Ils ont dit: mais comment se fait-il qu'il a rendu tous les dieux en un seul? أجعل الآلهة إلها واحدة. Donc, le prophète, عليه الصلاة والسلام, خاتم الأنبياء والرسل, il a été envoyé par ce message ya qawm u'budullah, ya qawm u'budullah, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani l'ulama qassamouha ala thalathi maratib, ils l'ont divisé ala thalathi aqsam, ils l'ont divisé en trois catégories: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، et توحيد أسماء الصفات. توحيد pour le توحيد الربوبية، donc ou توحيد comme il appelle Ibn Qayyim رحمة الله عليه، il appelle توحيد القصد والطلب. Et on a aussi توحيد العبادة pour توحيد الألوهية. Donc unicité dans la seigneurie. On a l'unicité توحيد الربوبية. D'accord? Ensuite, on a tawhid asma wa sifat, l'unicité dans les noms et attributs. Donc, ce qui nous importe, nous, c'est quoi? C'est at-tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. C'est-à-dire que tes actes, ils doivent être voués exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul. Et ton culte, tu dois le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. On verra, bi'idnillah, au travers plusieurs versets et au travers plusieurs hadiths, l'importance du tawhid. C'est-à-dire que tes actes, s'ils ne sont pas basés sur deux choses, la première des choses, c'est le tawhid, c'est la sincérité, al-ikhlas. L'acte que tu fais, il faut qu'il soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, à 100%, à 100%. Ensuite, on verra que il faut qu'il soit fait selon les enseignements et selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah azza wa jal fi sourate Ibrahim قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. Donc dans ce verset Allah azza wa jal il a dit et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Afin de les éclairer. Donc le prophète alayhi salatu wassalam kana lisanuhu arabiyan. Donc il est venu avec, et Quraysh ils étaient arabes, donc il est venu avec cette langue-là pour que ils comprennent ce que le prophète alayhi salatu wassalam va leur dire. Même là par exemple quand tu parles à un converti ou à quelqu'un qui vient de connaître l'islam, qui vient de rentrer dans la religion, si tu arrives et que tu commences à lui parler en arabe, il ne va rien comprendre. Si, par exemple, et, dans un prêche de vendredi, le converti vient, il est en France, et il écoute le prêche, il est totalement en arabe. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il vient, il fait acte de présence, il vient pour pointer, comme s'il était dans une entreprise, il pointe, donc il attend de faire sa prière, et il sort. Donc c'est pour ça que on dit, « Sadaqa man qal » celui qui a, il a dit vrai, celui qui a dit que un prédicateur qui a que l'arabe est un prédicateur handicapé, qui a qu'une jambe. Il est handicapé. Donc il est important, ici il est important de parler en français pour que ces convertis, ces gens qui rentrent dans la religion, comprennent. Donc tu as le Coran, si tu lui dis un verset et que tu parles en arabe, il ne va pas comprendre. Donc tu es obligé de lui traduire pour lui transmettre et pour qu'il comprenne ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est venu à Quraysh, il est venu avec la langue arabe. Donc, inna anzalnahu Qur'anan arabiyan, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Yusuf. Donc, ici, dans sourate Ibrahim, Allah azza wa jalla قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer, hein, afin de leur montrer le chemin. Donc si toi tu veux montrer le chemin à un converti, à quelqu'un qui est rentré dans la religion, qui a embrassé dakhala fil islam, il faut, et c'est un effort qu'il faut faire pour faire la da'wa à ces gens qui n'ont pas de connaissances, et tu veux pas, ils n'ont pas de connaissances de la religion de l'islam. Donc c'est normal de traduire les livres, de traduire les audios pour que eux aussi comprennent l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nahl قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. Donc dans ce verset dans sourate An-Nahl on a les deux piliers de la ilaha illallah. On a les deux piliers de la ilaha illallah. Nafyun wa ithbat. La ilaha. La ma'bouda bihaqqin illallah. Celui qui doit être digne d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On a d'autres alihas. On a d'autres dieux qui sont adorés. Mais c'est des alihas batila. C'est des dieux qui sont, c'est des faux dieux qui ne sont pas dignes d'être adorés. C'est pour ça que c'est tafsir. La ilaha illallah, quand on explique la ilaha illallah, les ulama, quand ils donnent une explication de la ilaha illallah, ils disent quoi? À l'unanimité, ils disent la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc ils insistent sur ce mot bihaq, digne. Donc il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ هَذِهِ تَفْسِيرِيَّةً أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il leur dise, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé dans chaque communauté un messager? C'est pour qu'il dise à son peuple, adorez Allah. Donc son message c'est quoi? Adorer Allah, c'est tout. Est-ce que le messager alayhi salam a dit adorer Allah et s'est arrêté? Non. Adorer Allah et écartez-vous du tagout. Et il n'a pas dit adorer Allah et n'adorer pas le tarot. D'accord? Ici, il a employé Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Wajjanibu. Donc, Walijjinab Ablar. Ablar, yani, écartez-vous. C'est-à-dire que le tarot, tu dois être loin de lui. Tu t'en écartes. هذا في سورة النحل وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Donc dans ce verset Allah سبحانه وتعالى il a dit il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Qu'est-ce c'est quoi le message? Avertissez qu'il n'y ait d'autres divinités que moi. Craignez-moi donc. La ilaha illa ana fattaqun. Donc ici Allah Azza wa Jalla dans ce verset dans sourate An-Nahl, donc on a à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé a fait descendre un ordre. Donc c'était le message c'était avertissez qu'il n'y ait d'autres divinités que moi. Fattaqun. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc, nous avons envoyé avant toi un messager que avec ce message-là. Illa nuhi ilayhi annahu, on lui a fait révéler. Illa nuhi ilayhi annahu, la ilaha illa ana fa'budun. Donc, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla envoyait un messager, c'était quoi le message que Allah lui faisait passer? C'est qu'il lui disait, il y a point de divinité en dehors de moi, illa ana fa'budun. Donc, adorez-moi. Donc, adorez-moi. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Il n'y a pas de prophète avant moi sans qu'il n'y ait eu le devoir de guider sa communauté vers ce qui est meilleur pour elle et il l'avertit contre ce qui est mauvais pour elle. » Donc le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il y avait un prophète avant lui qui a été envoyé, le message c'était quoi? Il était du devoir de ce messager de montrer le bien à sa communauté et de montrer le mal à sa communauté. Et aussi le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith ma min khayrin yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bih. Wa ma min khayrin yuqarribukum min al-janna wa yub'idukum min an-nar illa wa amartukum bih. Wa ma min sharrin يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. Donc dans un hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit il y a plein de bien qui vous fait rapprocher du paradis et qui vous fait éloigner de l'enfer sans que je vous l'ai ordonné. Et il n'y a pas un mal qui vous fait rapprocher de l'enfer et qui vous fait éloigner du paradis sans que je vous l'ai interdit. Donc tout ce qui nous fait rapprocher de l'enfer et ce qui nous fait éloigner du paradis, le prophète alayhi sallam nous l'a montré. Et la chose qui nous fait rapprocher du paradis et qui nous fait éloigner de l'enfer, le prophète alayhi sallam nous l'a montré. Donc c'est à toi de suivre le chemin. C'est à toi de suivre le chemin. Donc et le prophète alayhi sallam, donc dans un autre hadith il dit comme il le dit dans ses prêches quand il faisait les prêches il dit taraktukum ala al-bayda et dans une riwaya ala mithl al-bayda amma riwaya taraktukum ala al-mahajjat al-bayda hadi riwaya shadda. Donc la version où il y a المحجة هذه رواية شاذة سي اون فيرسيون كي فابل كي في بارتي دي احاديث كي سون فابل داكوغ هي الرواية الصحيحة سي كوا سي تركتكم على البيضاء او تركتكم على مثل البيضاء يعني جو فوزي ليسي سور اون فوا كلير ou je vous ai laissé sur quelque chose de clair. Layliha ka nahariha kana yaqul nabi alayhi salam taraktukum ala albayda layliha ka nahariha la yazighu anha illa halik. D'accord, le prophète alayhi salam disait je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour. Et que celui qui s'en égare, qui s'égare de cette voie-là, que celui qui a été voué à la perdition. لا يزيغ عنها إلا هالك. Et celui qui se détourne de cette voie, il sera هالك. يعني il va être perdu. Donc ces versets qu'on a vus indiquent globalement que tous les prophètes عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم, leur objectif c'est d'appeler à l'unicité, au monothéisme, appeler à l'unicité, à التوحيد. Et à chaque fois que un messager il a été envoyé, son but c'était quoi? Il mettait en garde contre le shirk, contre le kofr. Il mettait en garde sa communauté contre le polythéisme, contre le shirk. Et donc les versets qu'on a vus, al-mushrikin lam yud'inu wa lam yakhda'u li hadhihi ad-da'wa. Et que les mushrikin ils n'ont pas suivi cet appel du prophète alayhi salatu wassalam et des autres prophètes. Et on verra bi'idnillah dans des versets leur réponse quand ces prophètes appelaient au tawhid, qu'est-ce qu'ils disaient et quelle était leur réaction, comment ils réagissaient. Qala subhanahu wa ta'ala alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qawmi nuh wa 'ad wa thamud والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Ici Allah subhanahu wa ta'ala il a dit il vous est pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, le peuple de Nuh, de Ad et de Thamud et de ceux qui ont vécu après eux. Seul Allah les connaît. Leurs messagers sont venus envers eux avec des preuves. Mais ils ont dit quoi? Ils ont ramené leurs mains sur leur bouche. Et ils ont dit, nous ne croyons pas en ce message, c'est-à-dire à ce message dans lequel les Rasoul, ils appelaient au Tawhid, il disait, nous ne croyons pas à ce message avec lequel vous avez été envoyé, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant. D'accord ? Donc on doute sur ce que vous dites. Ensuite, qu'est-ce qu'il répondait ce messager ? Il disait, « Qalat rusuluhum afillahi shak » فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Et donc qu'est-ce qu'il répondait ces rasoul? Il disait quoi? Il disait y a-t-il, les messagers disaient, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour qu'il pardonne, pour qu'il vous pardonne vos péchés et qui vous donne un délai jusqu'à un terme fixé? Les confrères, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, vous êtes que des hommes comme nous. Vous êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. C'est-à-dire que il disait quoi? Vous êtes venus, vous voulez mettre un obstacle entre nous et ce que nos ancêtres adoraient. D'accord? Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Donc subhanallah, une preuve, subhanallah, ils croyaient, ils avaient théorie de Rububiyya, ils croyaient que c'était Allah le Khaliq, c'était Allah le Créateur. Et malgré cela, Allah Raziq, Allah Al-Mudabbir, Allah Al-Muhyi, Allah Al-Mumit, et malgré cela, ils disaient quoi? Ils disaient non, on ne l'adore pas. Et ils adoraient Al-Lat, Al-Uzza, Wamanat. Donc ils adoraient des statues et des idoles que eux-mêmes ils avaient modelé avec leurs mains. On avait même des sahaba, les sahaba dans la jahiliya, ils faisaient quoi? Ils faisaient une statue, et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il faisait quoi? Il faisait une statue avec des dattes. Avec des dattes, il faisait des statues, il l'adorait, et quand il avait faim, il la prenait et la mangeait. Wallah, il lui disait à ses sahaba en leur racontant ce qu'il faisait au temps de jahiliya. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous montre que ces mouchriquins, ils n'ont pas voulu suivre la vérité et qu'ils avaient des coutumes et ils suivaient des pas, ils suivaient les pas de leurs ancêtres. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. Et Allah Azza wa Jalla dans notre verset, il a dit: et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens n'aient dit « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyé. » Donc, on a un deuxième dalil qui montre que ces gens-là, ils ne voulaient pas croire au message qui était l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans surat Az-Zukhruf, قال subhanahu wa ta'ala: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit: nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Donc qu'est-ce qu'il disait? Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. D'accord? Et nous suivons leurs traces. Inna ala atharihim muqtadun. Et subhanallah, les gens qu'on voit aujourd'hui, qui vont tourner autour des tombeaux, qui vont au bas de Kobour, qui vont dans les musolées, si on appelle ça comme ça, et dans Sahab Ta'bir, Sidhum Fulan, Sidhum Driz, Sidhum Ali, Sidhum, voilà. Subhanallah, ils vont et ils lui demandent: on voudrait ça, on voudrait un enfant, que nos enfants se marient, que nos filles se marient, on voudrait, subhanallah. Il est un être humain, tout comme toi, tout comme tous les êtres humains. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Il a été créé tout comme toi. Subhanallah. Donc ces gens-là qui vont dans ces sédettes, ils suivent ce que leurs ancêtres faisaient. Et subhanallah, c'est quelque chose qui coule dans le sang. Je parle des Marocains, en tout cas, ceux qui vont dans les Adreha, ceux qui égorgent pour autre que Allah, t'as beau leur parler. Et tu dis, non mais nous on fait rien de mal, donc voilà, il se trouve des excuses. Donc ici, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'au fond, il disait inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et on suit leurs traces. Voilà donc. Wa qala subhanahu wa ta'ala: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Et dans surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Et il dit: ô mon peuple, adorez Allah. Ô mon peuple, adorez Allah. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Inni akhafu alaykum adhab yawmin azim. Donc regardez, le message de Nuh, alayhi salatu wassalam, le message de Nuh, c'était quoi? Il appelait son peuple à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إذن سورة هود الله سبحانه وتعالى يقول nous avons déjà envoyé Nuh à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite, clair, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Inni akhafu alaykum adhab yawmin alim. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa laqad arsalna Nuhan ila qawmihi fa qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Et donc, c'est le verset qu'on a vu au début du dars. Dans Sourate Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez pas. Afala tattaqun. Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit Yaqam, oh mon peuple, adorez Allah. Regardez le message de Nuh. Regardez le message de Nuh. Oh mon peuple, adorez Allah. Il n'y a pas d'autre divinité. Vous n'avez pas d'autre divinité que vous devez adorer en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi surat ash-shu'ara. Kazzabat qawmu nuhin il-mursaleen. Idh qala lahum akhuhum nuh ala tattaqoon. Inni lakum rasulun amin. Fattaqu allaha wa ati'oon. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. Et dans sourate Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala dit le peuple de Nuh traita de menteur les messagers. كذبت قوم نوح المرسلين. يعني la communauté de Nuh elle a démenti, elle a traité de menteur les messagers. Lorsque Nuh, leur frère, leur dit ne craignez-vous donc pas, ne craignez pas Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire, ma récompense n'incombe que au Seigneur de l'univers. Illa ala Rabbil Alamin. D'accord? Tattaqullaha wa ati'un. Illa ala Rabbil Alamin. Mon récompense, c'est Allah Azza wa Jalla qui va me la donner. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Craignez donc Allah et obéissez-moi. وقال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Donc dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il leur dit ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. La réaction du peuple de Nuh, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils ont appelé, il leur a dit adorez ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Inni lakum nadhirun mubin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Regardez subhanallah comment ils repoussaient et comment ces رسل ils ont été éprouvés par leur peuple. Comme dit le prophète عليه الصلاة والسلام أشد البلاء الأنبياء ثم الأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه رقة زيد في بلائه وإن كان في دينه صلابة خفف عنه حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة وفي رواية حتى الشوكة يشاكها إلا وهي كفارة لذنوبه. Regardez ce qu'ils ont dit. Alors les gens du peuple qui avaient mécru, ils ont dit quoi? Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous. Il veut se distinguer et à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont les anges qui auraient fait descendre. Ils ont dit pourquoi c'est un être humain comme nous. Si Allah Azzawajal vraiment existait, il aurait fait descendre des anges. Regardez, subhanallah. D'accord ? Jamais nous avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. On n'a pas entendu ce qu'il nous dit auparavant. Dans un ancêtre auparavant. وقال سبحانه وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. Regardez, ils se maintenaient à leur divinité, al-batila, leur aliha, batila, kadiba. Ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. Et n'abandonnez jamais. Donc c'est, en fait, c'est des salihin, une fois qu'ils ont été morts, et ils ont fait des statues pour les adorer. Donc c'était des gens pieux, à leur époque, quand ils sont morts, ils ont pris des statues. Il y avait Wad. Il y avait Wad, il y avait Soua, il y avait Yarout, il y avait Soua, il y avait Yarout, il y avait Yarouk, il y avait Nassar. D'accord ? Il a dit ne les délaissez pas. Donc, ils ont rejeté l'appel, l'appel des messagers qui appelaient à l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le monothéisme. Donc, comme on l'a vu au départ, on a vu que ce tawhid, l'iddirasa, il y a taqsim l'iddirasa. Donc, le taqsim, les catégories qu'on va voir, ça a été fait pour l'étude, pour étudier ce tawhid. Wa illa tawhid huwa wahid. Huwa wahid. Donc, l'unité, elle est seule, c'est quelque chose qui n'est pas fragmenté, on ne peut pas le fragmenter. Mais pour l'étude, pour Tullab al-Ilm, on a fait donc Hadas Sinbat. Donc les ulama, ils ont déduit du Tawhid qu'il y avait trois catégories. Donc, on a vu qu'il y avait l'unicité dans la seigneurie, il y a l'unicité dans la divinité, et il y a l'unicité des noms et attributs. Donc, Hadihi. الشهادة donc cette unicité أشهد أن لا إله إلا الله donc j'atteste qu'il y a nulle divinité qu'Allah donc c'est un pacte que tu fais et que tu signes avec Allah subhanahu wa ta'ala donc quand t'attestes et que tu dis أشهد أن لا إله إلا الله c'est que ولله المثل الأعلى quand tu signes un contrat. Donc on te dit, un tel, le contrat stipule que tu commences à 8h du matin et tu termines à midi et que tu reprends à 2h et que tu termines à 5h. Donc, toi, tu vas arriver le premier jour à 9h. Le patron, il va te dire, un tel, il faut commencer à 8h et non à 9h. Donc, il te donne un avertissement. Tu reviens un autre jour, par le deuxième jour, tu reviens à 9h. Et il te dit, attention, le troisième jour, tu reviens, et tu dis, bon, c'est la porte. D'accord ? Licenciement. Dehors. Hada, donc c'est un exemple qu'il y a sur Terre, avec une créature comme toi, un être humain. Qu'est-ce qu'on dirait avec ce contrat que tu as signé avec Allah subhanahu wa ta'ala où tu as dit que tu vas te soumettre à tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les ordres que Allah azzawajal te dira de faire, ben tu vas le faire. Et que tu vas prier tes prières à l'heure et que tu vas prier 5 fois par jour et que tu vas faire le jeûne du ramadan et que tu vas faire le hajj et que tu vas faire le zakat, le monde. D'accord ? Donc, normal, si tu ne fais pas une de ces choses-là, Allah Azza wa Jalla va te dire, allez, dehors. Allez, tu veux le kufr ? Je te laisse dans le kufr. D'accord ? Donc, ash-shahadu Allah, quand je t'atteste qu'il n'y a nulle divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la akhda'u, wa la amsatilu, wa la ad'anu, wa la utay'u, wa la asma'u, illa laka ya Rabb. D'accord, c'est toi, ya Allah, à qui je vais me soumettre, à qui je vais être sincère dans mes actes d'adoration, envers qui je vais appliquer tout ce que tu m'ordonnes de faire. D'accord ? Hada aqd. On appelle ça aqd l'iltizam. D'accord ? C'est un pacte que tu fais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-mathal al-a'la. D'accord ? Donc, l'unicité dans la divinité, c'est l'essentiel. Et ce que les mouchriquins ont refusé, c'est l'unicité dans la divinité. C'est-à-dire qu'ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité dans la seigneurie, tawhid al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, c'est les actes émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. À titre d'exemple, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne ta subsistance. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait vivre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait mourir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la victoire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc les actes et les choses émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle ça comment ? On appelle ça tawhid al-rububiyya, tawhid, l'unicité de la seigneurie. L'unicité de la seigneurie. Amma tawhid, tawhid l'ibada, ou tawhid l'qasd wa talab, ou tawhid al-uluhiyya, donc la deuxième catégorie, la catégorie de tawhid, c'est les actes que tu fais envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? C'est les actes que tu fais envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les actes que tu fais, ils doivent être voués à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul. Sans lui donner d'associé. Sans lui donner d'associé. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل il n'accepte pas que tu lui associes quoi que ce soit. Et en dehors de cela, et en dehors de cela, il peut pardonner. Et en dehors de cela, ويغفر لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. En dehors de cela, il peut te pardonner. Donc Tawhid al-uluhiyya. Donc on a la deuxième catégorie, c'est l'unicité dans l'adoration. L'unicité dans l'adoration. C'est que dans l'adoration, c'est-à-dire ton sacrifice, c'est-à-dire que al-tawakkul, tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la demande de protection, la demande de secours, le repentir, ce que tu fais, la peur, l'espérance, al-khawf, al-raja, al-tawakkul, al-inaba, la crainte, l'invocation, et donc ces choses-là, tu les fais envers Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul. Ensuite, on a la troisième catégorie du tawhid, c'est tawhid asma wa sifat. Tawhid asma wa sifat, c'est-à-dire témoigner de l'unicité des noms et attributs. Donc cette catégorie consiste à confirmer les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels qu'ils sont dans son livre et ça, et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Bidouni tamthilin wala tashbihin wala takyif wala tamthil. D'accord ? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Yani les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont, tels qu'on les garde. Sans donner des exemples, sans donner une ressemblance, d'accord ? Sans montrer le comment, d'accord ? Pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, fin nuzul. ينزل الله عز وجل إلى دسان الدعني شير كما يليق كما يليق بوجهه الكريم. أي دسان الدعني شير سبحانه وتعالى mais on montre on dit il descend et on croit en sa descente سبحانه وتعالى comme ça a été rapporté dans le hadith sahih et sans que on commence à interpréter la façon dans laquelle Allah سبحانه وتعالى descend. D'accord. Donc on a cette troisième catégorie, donc voyez mes nazaliq al-aqdam, comme ils disent les savants, et beaucoup de tawaif se sont égarés dans cette catégorie de tawhid al-asma wa sifat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et il a des attributs, d'accord, comme et par rapport aux noms et ses attributs, on dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. D'accord? Comme, comme une personne, elle est rentrée chez Malik et il lui a dit comment Allah descend. D'accord? Il a répondu par quatre choses et jusqu'à ce qu'il a dit le fait de demander la façon dans laquelle Allah est descendu, c'est une innovation, c'est une bid'a. Il a dit faites-moi sortir cet égaré, cet innovateur. Il a répondu il n'y a rien de, il y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui l'audient, le clairvoyant. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a loué, il a la vue. Et il a attesté que rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui lui ressemble. Comme ça a été, comme le verset est dit dans Surat Shuara. D'accord? Et donc la preuve de cette catégorisation, donc il a sahat ta'bir. Donc il est fait par un examen minutieux des ulama qui ont étudié le livre et la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont déduit ces trois catégories qui sont tawhid, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, tawhid d'Allah dans la divinité ou l'adoration, et le tawhid dans les noms et attributs. Donc bi'idnillah nukmil fi darsin muqbil inshaAllah. إلى هذا أستودعكم الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته